La langue française est pleine de dictons pas toujours faciles à comprendre. Mais vous allez pouvoir percer leurs secrets grâce à la nouvelle collection de livres Happy Meal, écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. À chaque fois, vous serez embarqué dans des aventures incroyables. Ma préférée, c'est celle de Nicolas et l'hirondelle Voltigette, deux inséparables amis. Sauf que Voltigette s'en va passer l'hiver au chaud en Afrique et ne reviendra qu'au printemps. Est-ce que les deux amis arriveront à patienter si longtemps? Pour le savoir, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's et choisissez le livre à la place du jouet. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Pour commencer, je dois vous dire un grand, un immense, un gigantesque merci pour vos réponses à mes questions de la semaine dernière. Grâce à vous, je sais de quoi va parler la nouvelle aventure de Zélie et sa mamie. À l'immense majorité, vous avez décidé que la mamie de Zélie devait se faire kidnapper et qu'il devait y avoir une maison hantée et un méchant capable de changer de forme. Vous m'avez aussi gâté avec des centaines d'idées d'obstacles à surmonter qui vont me permettre de créer plein de rebondissements. Avec tout ça, j'ai pu imaginer le début de notre histoire et je vais vous le raconter. Depuis leur dernière aventure, Zélie rend visite à sa mamie le plus souvent possible pour devenir une véritable tricoteuse, une agent super secrète qui résout les plus grands mystères du monde. Sauf que cette fois, elle trouve la porte de la maison de sa mamie entrouverte et entend du bruit à l'intérieur. Est-ce que c'est un voleur? Zélie se faufile, prête à intervenir. Elle ne surprend pas un voleur, mais sa mamie, en train de farfouiller dans son salon qui est sans dessus dessous. Elle a l'air surprise de voir sa petite fille. Étrange. Zélie lui demande si tout va bien. Sa mamie lui répond que oui. Elle cherche simplement la clé qui ouvre la porte qui mène à sa cave. Curieux, cette porte est condamnée. Zélie n'a jamais vu personne y descendre. Sa mamie a l'air de l'apprendre et se retrouve bien embêtée. C'est louche. Mais ce qui l'est encore plus, c'est la drôle de montre qu'elle porte à son poignet. Zélie ne l'a jamais vue. Lorsqu'elle lui en parle, sa mamie bafouille et prétexte de devoir aller aux toilettes. Sauf qu'une seconde après, Zélie entend la porte d'entrée claquer. Elle se précipite dehors et voit sa mamie s'enfuir à toutes jambes. Zélie la poursuit, et alors qu'elle l'a presque rattrapée, sa mamie tourne à un coin de rue et disparaît. Zélie regarde autour d'elle et croise un monsieur en costume qui porte la même drôle de montre que sa mamie. Zélie garde son calme et fait mine de n'avoir rien remarqué. Mais elle va suivre ce monsieur, le plus discrètement possible, jusqu'à ce qu'il arrive devant une grosse camionnette noire. Juste avant de prendre le volant, il appuie sur la montre et change d'apparence. Ce n'est plus un monsieur en costume, mais un livreur. Zélie se précipite derrière la camionnette et à l'aide de son doudou, ouvre les portes arrière et grimpe. Le véhicule démarre. Impossible pour Zélie de savoir où il va. Mais après d'interminables longues minutes de route, la camionnette s'arrête. Zélie entend le conducteur descendre et s'éloigner. Elle sort discrètement et découvre qu'elle se trouve dans la cour du Manoir des Ombres, une vieille maison hantée connue dans toute la région. Même si elle a terriblement la frousse, elle n'a pas le choix et doit découvrir ce qui se trame ici. Mais comment va-t-elle s'y prendre? C'est à vous de le décider. Dites-moi comment Zélie va entrer dans le Manoir des Ombres. Par la porte d'entrée? En grimpant jusqu'à une fenêtre ouverte au premier étage? Ou en ouvrant une trappe qui permet d'accéder au sous-sol? Rendez-vous sur telming.com/lph, telming.com/lph, pour me le dire. Et faites-le tout de suite, car mercredi soir, les votes seront fermés. J'ai trop hâte de lire vos réponses pour écrire la suite de l'histoire. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain.